êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Pour notre dernière édition de 2011, on parle avec Simon Philippe qui nous présente son top 5 des pires albums de 2011. Hein? Wouhou! Assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 22 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios C'est Fois à Trois-Rivières. Hey, Mathieu. François. Est-ce que tu veux rappeler la date? 22 décembre 2011. C'est notre dernière! Yeah! Wouhou! Wouhou! Bon. Mathieu qui donne des coups de poing dans les airs. Ouais, c'est ça, c'est... aujourd'hui, par contre, même si c'est notre dernière journée à Assemblage requis pour l'année, on va pas botcher ça, là. Mais non. Certainement pas. On a même une émission particulièrement chargée pas, à bloc. Mais chargée et pas. On a du temps un peu. Un peu. Mais moi, je prédis qu'on n'aura pas tant de temps que ça de libre, pour vrai. Okay. Peut-être, peut-être. Donc, la raison que tu dis qu'on va avoir du lot, c'est que François Landry n'est pas là. Ouais, c'est ça, exact. Mais Simon est avant. Et on sait que si Simon sait que François n'est pas là, Simon va prendre l'air. Donc, on va voir Simon pendant à peu près 45 minutes, je dirais. Fait qu'on va avoir du stock quand même. On a du stock beaucoup, beaucoup. En première heure, on a CNX, la collègue geek, évidemment. Pour la dernière de 2011. Exactement. Et la dernière aussi de Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Et là, il y a plein d'affaires vraiment spéciales là-dedans, c'est super. Fantastique. Donc, une belle émission chargée, c'est ce que je dis. Moi, je prédis pas de lousse. OK, formidable. Formidable. Et puis, Mathieu, je sais que c'est une grosse journée pour toi aujourd'hui. Oui. T'animes aussi la rétrospective. Oui, c'est entre 14h et 18h aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, écoute, je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire jouer des chansons qui s'y retrouvent. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce qui peut Je sais qui est numéro un de ouais, chaque côté. Ouais, je sais aussi. Mais, tu sais, mettons, à part ça. J'ai regardé un petit peu, mais je peux pas dire que je les ai retenus, non. OK. Est-ce que t'as la liste devant toi? Non, mais c'est le palmarès du 12 ou 18. Okay, mais on l'a dans le coin, donc on sort. Ça? Non, pas ça. Oui, peut-être. Mais en tout cas, on l'a à quelque part. Okay. Bon, on va en faire jouer. C'est parfait. C'est dit. Si on a du temps. Si on a du temps. Ça s'annonce mal. Non, mais tu sais, on a du temps, c'est sûr qu'on met des pièces. OK, bon. Il y a au moins de la pièce pour 2-3 places pour 2-3 pièces. Bon. Alors, on va commencer avec une pièce du palmarès anglophone dans ce moment. Par contre, voici Jane's Addiction et Underground. Sur C'est Fou 89 FM. Oh oui. I try and find some love for my pride. That just ain't enough to go around. My feet back in the underground. Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it avec la pièce Is It Me? Est-ce que ce sera numéro 1 de l'année 2011? Je sais pas. Bref, ça a des bonnes chances. Ben, je sais pas, en fait, j'ai rien vu. Ça a des bonnes chances côté probabilité, là, mettons. Ouais, non, c'est ça, exactement. Écoute, c'est une bonne pièce. Okay. On l'a fait jouer souvent. OK. De Cooks. On n'était pas les seuls non plus. Non, mais on est un gage de qualité pour commencer. Ben, il y a ça. De point, Et ensuite, les autres, bon, peut-être. Ça peut aider. Ça. Ouais. Mais je l'ai entendu souvent dans une dose de Sroge. Oui, tout à fait. Tout à fait vrai. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Maintenant, François-Olivier Marchand, on va se brasser un petit peu de technologie dans le bedon. Vas-y. Voici Snix, comme on l'appelle plus CNX. OK? CNX? CNX? T'es où? Snix! Oui, c'est la dernière chronique CNX de l'année, malheureusement. Mais tu sais, on s'éternisera pas sur des longs au revoir. Là, on va y aller avec une petite chronique assez rapide sur des sujets assez intéressants, je te dirais, François. On commence par la Recording Industry Association of America, l'industrie de la musique aux États-Unis. Ils ont piraté la série télé Dexter. Oh ouais. Oui, alors que la diffusion de la 6e saison de la série vient de se terminer. C'est la série sur un tueur en série là, qui tue les gens qui ont tué d'autres gens. Donc, grâce au site You Have Downloaded, dont on avait parlé à un moment donné, tu te rappelles le site You Have Downloaded qui disait, en fond, ce que tu as téléchargé, là, ce qui paraît. Avec ton adresse IP. Là. Exact. Certains utilisateurs s'amusent à voir qui aurait téléchargé quoi. En France, les ordinateurs des services de la République auraient servi à télécharger plusieurs films et musiques. La haute autorité américaine en matière de droits d'auteur de l'industrie du disque n'échappe pas à la sanction populaire. avec quelques bonnes adresses IP. On apprend ainsi que la RIA aurait piraté l'intégrale des saisons 1 à 5 de Dexter au mois de novembre. Sans doute un employé qui voulait revoir la série avant l'épisode final de la saison 6. Si on s'en tient aux amendes que la RIA a donné à certains pirates, ça ferait donc 9 millions de dollars dans les caisses de la chaîne Showtime en guise de dédommagement, si c'était le cas. Pour moins de 900 adresses IP uniques du département de la Société intérieure ont aussi été flashées en flagrant délit de téléchargement. Ça utiliserait beaucoup BitTorrent là-bas. OK. Donc, dans des branches haut placées, hautement placées. BitTorrent est populaire. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais c'est comme, comme il dit l'article de Branchez-vous.com, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Ouais, ouais. Et voilà. Ça, c'est le site aussi là, qui coûtait 300$ par mois. C'est ça, c'est ce qu'on avait compris. Ça avait l'air assez flou comme façon de... Ouais, ben, c'est ça. De toute façon, personne ne va aller vraiment payer ça, mais non. Ça existe. Aux États-Unis, maintenant, un an de prison ferme pour le pirate de Wolverine. On reste dans le domaine de la piraterie. Un an de prison ferme, c'est la peine que vient d'être prononcée. Qui vient d'être prononcée à l'encontre de Gilberto Sanchez. L'Américain reconnu coupable du piratage du film X-Men Origins Wolverine en avril 2009. Une peine particulièrement sévère pour le piratage d'un seul et unique film. L'affaire avait fait grand bruit en 2009 puisque le film de la Fox s'était retrouvé en ligne un mois avant sa sortie mondiale en salle dans une version non définitive. La copie de Wolverine avait clairement fuité des studios de post-production et présentait le long-métrage non finalisé, accumulant écrans verts et autres câbles apparents dans les scènes d'action. Face à la déferlante du fichier sur de nombreux trackers BitTorrent, le studio hollywoodien avait alors fait appel au FBI pour enquêter. Enquête qui a permis de remonter jusqu'à Gilberto Sanchez, qui prétend avoir à la base acheté la copie du film à un coin de rue près de son domicile dans le Bronx. L'internaute a plaidé coupable dans l'affaire, mais ça n'a pas rendu la juge Margaret Morrow plus clémente. Cette dernière a qualifié les faits d'extrêmement graves. Extrêmement graves. Elle a décidé de faire de Gilberto Sanchez un exemple en le condamnant à un an de prison ferme. La fille, là, hein, voulait vraiment faire de lui un exemple en lui donnant une peine qui était comme pas nécessairement méritée. Là, ça. Ouais. On s'entend que c'est pas ça qui va être le plus téléchargé. Puis ben même non. Si c'était téléchargé, je veux dire, les gens veulent voir la version finale avec les effets spéciaux, pareil. Fait que non seulement, si ça avait été un film normal, même là, j'aurais trouvé ça sévère. Mais là, pour un film qui est même pas final, que tu vois les cordes partout, je sais pas, pas sûr. Pas convaincu. Parlons des Canadiens maintenant qui rêvent d'un réseau plus rapide pour Internet. OK. Tu sais, si t'avais un rêve dans la vie, tu sais, la paix dans le monde, Internet ça. Plus rapide, vraiment. Les ordinateurs portables plus petits, des réseaux plus rapides et une meilleure accessibilité aux documents, c'est ce que les Canadiens espèrent pour 2012 et les années à venir. C'est ce que montre un sondage réalisé par Angus Reid Forum pour Rogers Communications auprès des utilisateurs de téléphones intelligents et de portables au pays. Près de 85% des personnes interrogées croient que les constructeurs vont continuer à concevoir et produire des portables et des ultra-portables toujours plus petits et plus légers qui pourront un jour être transportés dans un sac à main. Tout à fait. Ben, je crois que c'était pas mal déjà le cas avec les portables. Ça, exactement. Mais bon, il y en a qui sont pas courants, ça. À une proportion semblable, 83% croient que les réseaux seront plus rapides et 79% des personnes interrogées estiment que de plus en plus d'utilisateurs de téléphones intelligents vont se servir dans leur appareil pour faire des achats dans les prochaines années. Je croyais que c'était aussi déjà le cas, mais bon. Ouais. De même, plus de 8 Canadiens sur 10, 81% estiment qu'ils pourront bientôt avoir accès à leurs documents, films ou photos depuis n'importe quel endroit. Je croyais que c'était déjà possible, mais bon. Non, mais pour vrai, c'est comme des, des gros rêves qu'on peut déjà tout faire. Ouais. Seulement 37% sont d'avis que les liseuses numériques, ça c'est les readers, les petites tablettes. Là. Exact, et les tablettes ordinateurs aussi vont remplacer les livres en format papier. OK. Tout à fait vrai. Et seulement 37% disent ça. Là. On s'entend que c'est pas mal évident que c'est le futur, parce que tout le monde achète ça. C'est vraiment très, très, très, très, très populaire cette affaire-là. Selon un autre sondage publié par Rogers et réalisé par Vision Critical, 85% des propriétaires de téléphones intelligents disent être dépendants de leur appareil. Encore là, pas surpris, juste en marchant dans le QTR. Ben oui, ça, c'est quand tu marches en regardant devant toi et non pas en fonçant dans un mur parce que tu es en train de lire un message texte ou poker quelqu'un sur Facebook. Là. Environ 7% des répondants estiment qu'ils sont ridiculement attachés à leur téléphone intelligent. Près de 22% affirment qu'ils ne souhaitent pas vivre sans leur appareil et qu'ils se sentiraient perdus sans leur téléphone intelligent. Loser! Les deux sondages ont été réalisés auprès de 1000 personnes environ en novembre et décembre. Je comprends, j'ai un iPhone, j'ai un portable, j'ai des affaires comme ça, j'ai des consoles de jeux vidéo portables. Je comprends, I feel you. Mais est-ce que Mathieu Plante serait capable de survivre, pendant au moins, mettons, une semaine? Une semaine, facilement. Sans rien? Ben oui. Ouais. Sans rien, là, t'aurais pas de série de... C'est un défi, mettons, qu'on me lançait, là, puis que j'avais vraiment une raison de le faire, que c'était pour une bonne cause, je le ferais n'importe quand. Si tu me fais juste me suggérer, fais ça pendant une semaine, m'a dit, ben pourquoi? Ouais, c'est ça. Ça aurait pas de raison d'être. OK, bon, ben parfait. C'est noté. Trouve une bonne raison. T'es fin avec moi, t'es fin, c'est l'affaire. Belle maintenant, restons dans la vitesse de. Belle la compagnie. Belle la compagnie, là, c'est belle et simple. Hein? Ça a pris combien de décennies avant qu'ils réussissent à tomber sur ce slogan-là, ça? Quand même longtemps. Ça a été long parce qu'ils ont tout. Ils ont essayé de tout faire, Belle, hein, tu sais. Tous les slogans imaginables. Mais ils ont fini avec Belle et bien simple. Hein? Non, la vie est belle. La vie est belle, excuse-moi. La vie est belle. C'est, bravo. Super. Donc, Belle cessera de contrôler le trafic sur son réseau. Extrêmement grosse nouvelle. Dans une lettre adressée au CRTC, Belle affirme qu'il cessera de contrôler le trafic Internet provenant des réseaux peer-to-peer, donc le partage de fichiers, dont BitTorrent. Depuis 2007 au moins, Belle gère le trafic sur son réseau pendant la soirée de manière à ce que certains usagers, notamment ceux qui fréquentent BitTorrent et d'autres, n'engorgent pas le réseau. Okay. Je cite, avec la popularité croissante de la vidéo en flux continu et d'autres sources de trafic, le partage de fichiers poste à poste en termes de trafic total a diminué. Tout à fait. Tu sais, maintenant, tu peux avoir Netflix ou d'autres services et avoir des séries en streaming pour vraiment pas cher. Tu n'as plus autant de raisons d'aller télécharger des fichiers illégaux. Moi, j'adore le principe qu'on puisse maintenant payer pas cher pour faire quelque chose qui était illégal il y a quelques années. Ouais. Je trouve que c'est bien, ça, moi ça me convainc. En raison d'être. C'est même pas sarcastique en plus, ça a l'air super sarcastique. Non, pas tant que ça. En raison d'investissements intensifs faits dans la capacité des réseaux, Belle annonce qu'elle cessera de contrôler le trafic sur Internet à compter du 1er mars prochain. Donc pour l'instant, le soir, ça pourrait être là. Rappelons que le mois dernier, le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu'on salue et qu'on apprécie beaucoup, bonjour, on vous aime, bisous, a permis à Bell et aux autres grands fournisseurs d'accès Internet de faire payer les petits fournisseurs indépendants rattachés à leur réseau en fonction de la vitesse de téléchargement utilisée par les clients. Dans une de ses politiques, le CRTC écrit que les pratiques de gestion du trafic Internet, les PGTI, les PGTI, de nature économique, par exemple, la facturation et l'utilisation, sont nettement plus enviables que le contrôle du trafic Internet. Mais tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est que si tu dépasses, tu payes. Si tu dépasses pas, tu payes pas. Ouais. Logique, ça, il me semble, non? C'est tout. Je trouve ça tellement logique. Les PGTI, les PGTI de nature économique, offrent également une plus grande transparence aux utilisateurs que les PGTI de nature technique, car elles paraissent sur les factures mensuelles. Comme ça, t'es au courant et tu peux te retenir dans ce temps-là. Ouais. Si tu sais que tu dépasses, ben tu dépasses plus après. Ah ouais. Tu sais. Voilà, donc, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça dit que le contrôle du trafic semble être moins utilisé par les fournisseurs de services Internet, même si c'est une pratique qui s'est répandue il y a quelques années. Une étude américaine a démontré l'an dernier que parmi les grands fournisseurs d'accès Internet au pays, c'est Rogers qui était le plus grand adepte de cette pratique, la plaçant même au premier au monde en matière de contrôle du trafic. C'est enfin, ça. Au premier trimestre de 2010, Rogers ralentissait 78% des connexions comparativement à 16% pour Bell et 3% pour Vidéotron. 78% des connexions. C'est supposé être pour ceux qui utilisent le plus le réseau, t'sais. Ouais. Ceux qui engorgent. T'sais, 78%, on s'entend qu'il n'y a pas 78% du monde qui savent comment pirater. Non, vraiment pas. Parlons de Facebook maintenant. Pourquoi perdez-vous vos amis sur les réseaux sociaux? Bonne question, hein? Perdez-vous vos amis? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Si vous avez remarqué que le nombre de vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Plus a diminué, c'est le nombre, c'est peut-être à cause de vos commentaires insultants ou déprimants selon une étude publiée le 19 décembre par NM Insight. Les commentaires insultants constituent la raison principale qui pousse les membres des réseaux sociaux à abandonner leurs amis pour 55% des personnes interrogées. Les femmes sont plus faciles à choquer avec des propos déplacés, tandis que les hommes n'aiment pas les amis qui cherchent à leur vendre quelque chose. OK. Parmi les autres raisons invoquées pour se débarrasser de ses amis, le fait de ne pas bien les connaître à 41%, la publication de commentaires déprimants à 23%, le manque d'interaction à 20% et les commentaires politiques à 14%. Je suis d'accord avec ça. Ouais? Harcèle-moi pas avec tes commentaires politiques ou religieux ou n'importe quoi comme ça dans ton statut à tout bout de champ. Peux-tu juste, être normal, là. Pousse pas tes façons de penser. Non, mais pousse pas tes façons de penser. Je veux dire, moi, j'en connais pas de personnes sur mon Facebook qui passent des affaires comme ça. Ouais. J'en connais pas. Maintenant, passons à un article sur les machines à lire les pensées qui seront bientôt plus de la science-fiction. Le géant américain de l'informatique IBM prédit que d'ici à 2017, ça va être l'avènement de machines capables de lire les pensées et même de reconnaître l'auteur de ses pensées. Et je cite, « De Houdini à Skywalker, en passant par les X-Men, lire les pensées depuis la nuit des temps, un des souhaits les plus chers des amateurs de science-fiction. Leur vœu pourrait bientôt devenir réalisé. » C'est ce qu'explique IBM dans ses prédictions annuelles à 5 ans sur les technologies du futur, paru lundi. Je cite encore, les chercheurs d'IBM font partie de ceux qui étudient la façon de relier votre cerveau à vos appareils électroniques, que ce soit votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Quand même, une de ces applications verrait par exemple l'utilisateur de téléphone uniquement penser à une personne pour que son appareil compose un numéro correspondant. T'sais. OK. T'sais. De même, assure le géant de l'informatique, les mots de passe seront supplantés par l'identification biométrique telle que la reconnaissance faciale ou vocale. Les deux. Donc, imaginez, je cite, vous pourrez vous rendre à un distributeur automatique de billets, retirer de l'argent en toute sécurité en n'ayant besoin que de dire votre nom ou en regardant un minuscule capteur qui reconnaîtra votre rétine. C'est sûr que c'est ça qui s'en vient, là. Ça s'en vient. Les petits claviers, tout le monde peut voir ton mot de passe, là. C'est pas sécure, ça. Une petite signature sur une feuille, c'est pas sécure. Ton œil, il n'y a rien que tout qui est là. Hein? Ouais. Logique, là. Logique. À un moment donné, c'est comme. Ça me surprend qu'en 2011, on ne soit pas encore rendu là partout, là. C'est long, là. C'est long. On s'entend que c'est très long. C'est long, mais en même temps, c'est un gros changement aussi, là. Un gros changement, mais beaucoup plus simple. Ouais, je sais, mais tu sais. T'as pas besoin de rien sortir, là. Non, c'est sûr. C'est plus simple. Tu peux pas avoir. En tout cas, je vois pas comment. C'est sûr que tu peux avoir peur parce que c'est comme genre un genre de. Pas un laser, non, là, non. Mais tu sais, qui t'arrête dans l'œil. Non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est testé avant, là. Je veux dire, c'est pas comme ça. Ah, c'est sûr, c'est testé avant. Mais tu sais, c'est pas. Ouais. Ah, c'est un les, gros changement. Les points négatifs sont où, ça? Non, c'est ça. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y en a, sûrement qu'il y en a. Je sais pas. Mais ça vient vraiment, les points positifs viennent vraiment peser très très lourd dans la balance, si on veut. Sauf peut-être le coût d'implémentation ou d'implantation de ce système de partie. D'implémentation. Je me suis surpris quand même. D'implantation, là. Ah non, c'est voilà. Ça. Puis, tu sais, des je sais pas comment on appelle ça, les terminales avec la carte. Là. Ouais, Interact. Genre, Interact, ouais, c'est ça, exactement. Cliché, ouais, ouais. Mais pense à ça, là. Il y en a partout. Oui, non, c'est sûr que c'est compliqué. Chaque pour, caisse, épicerie. Puis. C'est le coût, donc, qui va être peut-être le facteur qui va faire que ça prend plus de temps. Mais, tu sais, comme les puces sur les cartes, ça a pris du temps que ça s'en vienne dans toutes les boutiques. Là, éventuellement, pas mal tout le monde finit par l'avoir. Ouais, éventuellement, parce que là, c'est pas fait encore. Non, c'est pas partout, ça. Non. Mais bon. Et une dernière nouvelle en jeu vidéo, hein, il se passe pas grand chose en jeu vidéo en cette c'est fin mort, d'année, hein. Ouais, c'est très mort. Il y a Sony qui est poursuivi en justice pour son interdiction de poursuivre en justice. Je vous raconte. En septembre dernier, Sony modifiait les conditions d'utilisation du PlayStation Network en insérant sournoisement une clause interdisant aux utilisateurs de porter plainte contre Sony. Ben voyons, non. Je sais, en cas de litige, les joueurs devront dorénavant d'abord chercher la voie de la médiation avant de recourir à une quelconque action en justice. Seul moyen de contourner cette clause qui est d'envoyer une lettre manuscrite, donc écrite à la main au constructeur, avant d'accéder au PlayStation Network. Tu peux pas y aller parce que si t'es allé dessus, c'est que t'as dit oui. Donc, tu peux pas les poursuivre. C'est poche. Ouais, c'est assez poche. Forcément, les joueurs américains à qui s'adressait directement la nouvelle directive ne l'ont pas vraiment entendu de cette oreille et ont décidé de porter plainte contre l'interdiction de porter plainte. Les contestataires estiment que Sony prive les utilisateurs PlayStation Network de leur droit de se tourner vers la justice en cas de problème sur du matériel qu'ils ont acheté. Ils reprochent aussi à Sony le coût de la lettre manuscrite qui, selon eux, n'est là que pour les décourager. Mais non! Tu crois vraiment que c'est pour ça qu'ils ont mis ça dedans? Il leur forcer la main à accepter la clause par simple souci de commodité. C'est sûr que s'il faut que tu écrives une lettre que tu n'envoies ta face approuvée, puis ça, c'est sûr que tu vas faire oui. C'est sûr. C'est comme ça. Donc, à la justice de trancher maintenant, une poursuite pour l'interdiction de poursuivre en justice. Mais sérieusement, Sony prend le monde pour des épées. C'est pas correct de faire ça comme règle. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment injuste. Et tant mieux qu'il y ait une poursuite. Tant mieux qu'il y ait du monde qui soit assez fin pour faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui aurait pris cette mesure-là. Bravo. Bravo. On se quitte en chiptune avec un remake d'une pièce que Kedro Mellon avait fait dans le temps, qui s'appelait Titan. Et il l'a appelé Titan 2. C'est donc lui-même qui a fait un remake de sa propre pièce, mais donc il l'a amélioré. Voici Kedro Mellon, Titan 2, dans Scenix.

laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Non, non, excuse-moi, je te regardais pas au pantoute. Non, je vois ça. Salomé Leclerc et la pièce tourne encore. Oui. Vrai. Oui, vrai, vrai, ça. Vrai, vrai. T'as bien vrai, raison, vrai. François. Hey, merci. À qui t'écris? C'est Simon Fadubé. Super. Et il va arriver un peu en retard. Ah oui? Ouais. Eh bien, c'est nouveau, ça. On fait la chronique. Hey, cette chronique-là, tu la connais? Je pense que tu l'aimes. C'est quoi? Est-ce que tu l'aimes? C'est quoi? Je pense que tu la trouves peut-être épaisse. C'est quoi? C'est ça existe, mais ça devrait pas. Oh. Ça existe, mais ça devrait pas. Là, c'est celle où on vous suggère des solutions à vos problèmes. Et si vous n'avez pas de problème, premièrement, vous êtes bien chanceux, mais moi, je vais vous en faire. Moi, problèmes. Je vais vous en trouver. Je vais vous en trouver. Mathieu plus... Plante, vous trouvez des problèmes. Ah, je suis un super-héros des problèmes, moi. C'est ça l'affaire. Parle-moi de ça. Quand tu dis ça toi-même, c'est... C'est le fun. Toujours vrai. Commençons avec... Ah, tiens, t'as ce problème-là. T'as... Je sais que t'as un lave-vaisselle, hein? Ouais. Est-ce que t'as des coupes? Est-ce que tu bois du vin? Ça arrive. Pas fréquemment. Mais ben, pas l'eau, là. C'est pas bien grave. Ouais. C'est si t'as des coupes et que tu les mets dans la vaisselle, souvent ça va tac tac tac tac tac tac tac parce que c'est comme pas assez. C'est pas la grosseur d'un verre, c'est fragile, ouais, c'est pas ouais, cassé. Ouais. C'est vrai. Ils ont inventé de quoi pour ça? Ben, tout à fait, c'est ça. Donc, c'est très peu cher et c'est très flexible. C'est genre le petit morceau de plastique que t'attaches, c'est un genre de caoutchouc, OK? T'attaches ça autour de la branche là, de ta coupe et sur une des petites lignes là, dans ton lave-vaisselle, t'as des petites lignes pour mettre les affaires, là? Tu mets ça là-dedans, tu l'accroches là, puis ça tient. C'est en plastique. Fait que tu sais, c'est flexible, hey, mais pas trop. Wow! Fait que ça empêche tes coupes de casser. 15$ pour un paquet de 4, c'est pas cher. C'est pas cher. Mm. C'est une bonne solution quand même, 15$ pour 4. Non? OK. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. T'aimes jouer au cube Rubik, mais tu trouves que les cubes Rubik normaux, là, c'est pas un assez gros défi pour toi, ça. Ben, quand même. Quand même, je trouve que c'est un gros défi, oui. Oui, ben, tout à fait. Mais il y en a pour qui c'est plus un défi parce qu'ils ouais, jouent beaucoup ouais, à ouais, ça. Ouais, ouais, j'en connais un. C'est... Ah, ouais, pour vrai? Ouais, Martin Devaux, man, il fait, là, d'une façon rapide. Là, combien de secondes son record? Je sais pas, là. 20 secondes, 7 secondes? Ah, je sais pas. OK. Donc, comme on peut l'imaginer, donc, cube Rubik, c'est évidemment un mot enregistré, une expression enregistrée par peu importe la compagnie qui fait le cube Rubik. Donc, celui que je vous présente, c'est le IQ Brick Cube. D'accord. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent 7 ou 9 couches, dépendant du modèle, 7 ou 9 couches très, très minces de couleurs à tourner. Donc, ça rend, là, évidemment, en n'étant pas mathématicien, je peux pas vous dire combien ça rajoute de difficultés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, parce que tu peux le voir, là, le milieu est épais. Genre, il y a des côtés qui sont épais, mais d'autres côtés qui sont beaucoup plus minces, que ça rajoute des couches, des petites couches de genre quelques millimètres d'épais, là, ouais, que tu as à tourner, donc ça devient super difficile. Tu as un modèle 3x3x7. 3x3x7. Il y a un autre de 3x3x9. D'accord. Okay. Ils coûtent chacun 27$ disponible chez Brando. Si vous allez voir la photo, ça explique un petit peu mieux que moi à la radio, là. Mais c'est dans le fond, les blocs du milieu sont plus larges comme les anciens, puis ceux d'en haut et d'en bas. Non, j'aimerais pas ça. Non, moi non plus. Non, c'est vraiment pas. Pas pour nous autres, mais ça. Non. OK, celui-là est pour nous autres, par contre. Des affaires faciles, OK? OK. C'est un foulard, OK? C'est même pas. J'essaie de trouver un problème à avoir pour réussir à avoir ça. Mais OK, ton mur a pas assez chaud. Et t'as besoin d'un calendrier pour afficher la date, mais en même temps, t'es une personne qui aime bien le tissu. Non, je sais pas. Donc, c'est un foulard que t'accroches à ton mur. Et il y a une ficelle, un bout de. Pas un bout de ficelle, un bout de peu importe en quoi est fait le foulard, là. Et tu tires sur le fil et le foulard se défait et c'est un calendrier. Donc plus tu tires, les jours sont écrits sur le calendrier. Tu sais, genre dimanche, samedi, vendredi et aussi les dates. Donc tu tires. Ouais, le calendrier change de jour. Non, c'est cool ça. C'est très bien fait. C'est en quelle langue ça? C'est-tu de l'allemand? Ouais, j'essayais de voir pourquoi c'était quelle langue, mais je me suis dit que Montag, ça devait être lundi, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Samstag, ça doit être samedi, j'imagine. Ou Samtag dimanche, Sunday, non? Peut-être. Mais c'est pour ça que je disais que c'est des jours et non pas des mois, ça ressemble plus à des jours. Mais bon, peu importe la langue, c'est évidemment pas quelque chose que vous allez acheter de toute façon. Je sais même pas si c'est disponible sur Internet, mais l'idée est très très bonne. Ouais. Non, c'est cool. Je trouve ça vraiment. Il y a un autre calendrier vraiment cool que j'ai placé un petit peu plus loin dans mes liens ici, si ça vous intéresse, c'est vers la fin de la chronique, ça devrait pas, on l'a sur le site. C'est le calendrier en bulle. Tu sais? Donc, c'est vraiment. T'as l'année 2012 écrit en rond. Ensuite, janvier, février, mars, avril, écrit à la verticale. Tu pètes les bulles et sont toutes dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 31. Et dépendant des mois, donc de plus en plus. Plus ou moins de bulles. Et le mois de février, étant donné qu'en 2012, c'est une année bisexuelle. Oui, c'est ça, bisextile. T'as un 29 dans le mois de février. Mais moi, ce que j'aurais aimé encore plus, c'est qu'à l'intérieur du mois, ça fasse comme le calendrier de l'avant et que les numéros soient mélangés. Comme ça, t'aurais eu le défi de trouver ton numéro, ton chiffre à chaque jour. Ça aurait été vraiment l'imperfection pour moi. T'sais. Lui, il est comme trop dans l'ordre, je trouve. Ouais. Trop dans l'ordre. En même temps, j'avoue que pour un calendrier, c'est assez logique de vouloir que le jour le plus récent soit en bas. Mais en même temps, je me pose une question. C'est comme pas évident de voir... S'il est pété ou s'il est pas pété. Je crois que le chiffre est écrit sur la bulle. Ah ouais? Donc, il va devenir déformé, j'imagine, si tu pètes la bulle, non? T'es sûr? Non, je suis pas sûr, en fait. Peut-être que t'as raison. Il a l'air d'être écrit en dessous. T'as raison. Avec le reflet de la lumière. Ouais, c'est bien vrai, ça. Dit ici que c'est un calendrier de 48 pouces par 17,5 pouces imprimé sur du gros carton avec une police Helvetica New, donc une très belle police. C'est chez Urban Outfitters qu'on le retrouve en ce moment où il est encore en stock parce qu'il y a plusieurs sources en ligne où l'acheter, mais c'est tout plus en stock. Ah. Ça coûte 24$. Pas pire quand même. Pas super. J'achèterais bien ce calendrier. Je trouve ça beau. Ouais, c'est beau. Ouais. Tiens, les pancakes maintenant, parlons de ça. Tu marches dans la vie, tu vas au dépanneur, mais en même temps, ça te fait mal aux pieds ou je sais pas trop quoi. T'sais, des fois, il y a des gens qui t'ont mal aux pieds. Ouais. Tente pas de marcher ou t'es paresseux, vraiment. T'es vraiment mal paresseux. Mal dans le dos, ça peut être n'importe quel problème. C'est des souliers électriques roulants. OK. T'sais, pourquoi pas? C'est les Spin Kicks Motorized Shoes du designer Peter Treadway qui vous permet de vous promener comme ça avec une télécommande entre les mains. Et là, tu embarques avec tes souliers dans ces genres de souliers-là. C'est comme des patins, ça ressemble à un manège, un carrosse, ça ressemble à plein d'affaires en même temps, mais c'est pour tes pieds. Donc, ça roule à 10 000 à l'heure max et ça peut durer pendant entre 2 et 3 000 de suite. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour aller à l'épicerie ou promener le chien. Les charger, ça prend environ 2 heures. Ils sont faits de fibres, de nylon renforcé de fibres, quelque chose de genre, plus de l'aluminium et les batteries sont en lithium-ion. Peter qui a déjà produit 30 prototypes de ses Spin Kicks. Ils sont prêts à être mis sur le gros marché, le marché de masse. Par contre, ils sont en campagne Kickstarter, donc ils essaient de ramasser 25 000 $ en tout. Vous pouvez, Kickstarter, c'est où vous dites que vous allez mettre de l'argent et si le montant est atteint, ça va être produit. Ils vont le produire. C'est ça. Et le minimum en ce moment, c'est 375 $ qu'il faut donner. Si vous donnez 950 $ et plus, vous allez avoir une édition spéciale de ces Spin Kicks-là avec des roues noires. Et si tout va bien, vous devriez avoir vos souliers avant le mois de mars 2012. Ouais, si tout va bien. Sinon, les roues sont rouges. En tout cas, ce que je vois sur la vidéo, là, c'est quand même beau. Ouais. C'est pas super pratique, là. Il faudrait vraiment améliorer le produit. Ouais. Surtout pas, ouais, c'est ça, l'hiver ici, t'imagines ça? Hey, hier, je voyais quelqu'un qui son vélo, j'étais comme quoi? Que c'était là? Hein? Ça vire de tour. Faut des traction aid dans ton sac à dos pour partir, j'aime bien ça. Ok, t'as un problème maintenant, mettons. C'est comme une combinaison de mettons et maintenant. Ouais. Ton chat a froid dehors. Ton chat va dehors. Rentre-le en dedans. Mais rentre-le en dedans. Ou encore, achète-lui une niche chauffante pour l'extérieur. Un des deux, vraiment. Donc, il y a une chaufferette de 20 watts à l'intérieur du plancher de la maison, ce qui génère assez de chaleur pour réchauffer la maison complète. Mais c'est quand même pas assez chaud pour, dans le fond, pour brûler une main ou brûler le chat, évidemment. Donc, le plancher est à l'épreuve de l'eau. Il y a un pouce et demi de mousse très douce pour le chat, ce qui est donc confortable et sec pour n'importe quel chat. La maison est couverte d'un nylon très durable et de vinyle à l'épreuve de l'eau. Et le devant du toit est plus long que la maison, donc ton chat peut se sortir la tête quand il mouille et regarder dehors. Oh. Et quand ça, même, ça vaut combien? Ça le dit pas. Ça, on dit pas. Ça hein? le dit pas. Hein? Dommage quand même. Hein? Ouais. T'en voulais? Non, mais je me demandais. OK, une autre situation dans la vie. T'es chez quelqu'un, quelque chose du genre. Tu veux t'enfuir. Tu veux t'enfuir, mais t'as pas de corde sur toi parce que tu veux t'enfuir par la fenêtre pour pas être vu, tu sais. Pas une ceinture. Mais une ceinture, hein? En grosse corde, là, genre de... Je sais pas, c'est fait en quoi, l'affaire de parachute ou quelque chose de vraiment... Bah, d'escalade, on dirait. D'escalade, à peu près. Donc, c'est du braided 550 paracord. C'est une grosse corde, mais tissée en forme de ceinture. Donc, t'attaches ça après tes pantalons. Et t'as 80 pieds de corde à ta disposition parce que c'est vraiment braided. Donc, c'est vraiment tout passé l'une dans l'autre. Donc, ça paraît pas que c'est 80 pieds. Et puis, ça coûte 28$. Évidemment, on dit pas si tu peux refaire ta ceinture une fois que tu... Je pense pas. Il y a un seul nœud. Faut que tu aies fait le nœud, c'est pas mal ça pour la ceinture. T'es fait. C'est ça. OK, une affaire en plastique maintenant qui va intéresser les gens qui aiment manger avec les doigts. OK. C'est les finger sporks. Spork, bon, c'est tout, c'est la combinaison d'une spoon et d'une fork. Là. Une cuillère et une fourchette. Mm-hmm. C'est comme une cuillère à fourchette, une cuirchette. Ou une fouillère. Une fouillère. T'aimes-tu mieux fouillère ou... Fouillère? Non. Fourrière. En tout cas, laissons faire. Le spork, donc, cet hybride est particulièrement populaire auprès des gens là, qui aiment surtout les choses pratiques et non pas les choses qui sont jolies. Les finger sporks, c'est une variante miniature de ce concept-là. On les achète en paquet de 4 et on les insère au bout des doigts. Avoir de piquer. Hein? Tu sais? Ouais. Pogner de la bouffe dans ton assiette. J'aimerais pas ça, moi. Moi non plus. Non. Mais l'idée est pas si pire. Ça coûte 5$, donc c'est pas cher. Ça. Des finger sporks. Come on. Oh. Come on. Ah! Tu veux faire de ton enfant un futur fier à bras. Ou encore ouais. Un futur intimidateur dans une cour d'école. Tu sais, c'est le gros sujet en ce moment, ça. Là. Ouais. Pourquoi ne pas lui acheter des baby dumbbells? C'est des gros... Des poids. Des petits poids pour enfants de 0,2 litres. Ah, c'est stupide. C'est tellement beau pour se débarrasser du gras de bébé, du baby fat. Aïe, aïe, aïe. Non. Trois... Est-ce qu'on peut les laisser vivre un peu, là? Les enfants? Pendant qu'ils vivent. C'est ça. C'est pas l'opinion de tout le monde, ça, hein? Ah, bon. Ah, ça, puis les baby pageants, les concours de beauté pour les filles. Oh, bon. Ça joue à je sais pas quel poste, hein, les concours de beauté de bébé. En tout cas. Quand je vois ça, je change de poste. Et voilà, tu fais bien. Ah, bon, gadget pour l'hiver québécois, je trouve celui-là. D'habitude, on parle de gadget stupide, mais celui-là n'est pas si stupide que ça. C'est le Heated Ice Scraper and Lock the Icer Set. Parce que, tu sais, c'est difficile des fois l'hiver de déglacer tes vitres parce que tes vitres sont vraiment, vraiment, vraiment glacées. Surtout aujourd'hui. Là. Surtout aujourd'hui. Celui-là est chauffant. Quand même une très, très bonne idée. Ça se branche dans la prise 12 volts de votre voiture. Il y a 15 pieds de fil. Et quand tu branches ça, ben, tu peux sortir ça par la porte et ça fait le tour de l'auto. Dans le fond, ben, c'est toi qui le fais, mais c'est assez long pour faire le tour d'une auto normale. Peut-être pas de limousine, mais quand même. Et ça va chauffer un petit peu en même temps que tu gratouilles ta vitre. Wow! Et ça doit gosser. Il faut t'aider à payer ça. C'est du trouble. C'est bien branché ton ça fait quoi quand tu branches ton char? C'est juste pour t'assurer que ton auto, elle fonctionne puis elle marche. Hein? Ça déglace pas vite partout. Non, ça déglace rien. En fait, ben, ça réchauffe un peu ton moteur. Ça l'aide. Le block heater, ça chauffe un peu. Il y a aussi, ça vient avec le kit, le Heated Ice Scraper. Ça vient avec un petit chose pour déglacer tes prises, tes serrures de voiture. Donc, quand même, un bon petit emballage, un beau petit chose de cadeau. Est-ce que le prix n'est pas encore écrit là-dessus, mais... Non, il est pas grave, on en veut pas. Sur Amazon, il est présentement indisponible. Donc, je comprends pourquoi, on en veut pas. Non, mais rabat-joie. On en veut pas. Un gadget maintenant créé par un opérateur de réseau, le genre de Bell japonais. Là, c'est la compagnie Wilcom qui utilise Comapa pour attirer des nouveaux clients bizarres. Donc, c'est un oreiller en forme d'étoile qui contient microphone, haut-parleur et connecteur pour téléphone. Donc, si tu as comme problème de parler au téléphone dans ton lit, ça te fait mal à l'oreille. À la place, tu te couches sur le coussin et tu parles. Wow. Super, hein? Et en plus, tu partages ta conversation avec tout le monde parce qu'il y a un haut-parleur dedans. Formidable. Bon, c'est super, super, ça. Et si jamais vous cherchez un petit cadeau à donner à un être cher, parce que vous savez, la chronique, ça, mais ça devrait pas, on l'a, c'est aussi un guide cadeau à l'année longue. Hein. À chaque semaine, c'est comme des cadeaux à offrir à peu importe l'occasion, pour peu importe l'occasion. Donc, ici, c'est le Worst Gift Ever Gift Pack. T'sais, si vous voulez donner le pire cadeau ever là, du monde, donc ce qu'ils vous donnent dans l'emballage, qui est vraiment écrit dessus « Pire cadeau à vie », c'est une paire de sous-vêtements blanches avec des lignes vertes et une paire de bas blancs avec des lignes vertes. Wow, je trouve ça cool. C'est quand même bien, hein? Oh, 18$ de la compagnie P-Kid. C'est le pire cadeau de tous les temps, c'est ce qu'ils disent. Là. Mais évidemment, là, c'est un one size ou est-ce que c'est un petit moyen grand? Et les bas et les bobettes doivent être de la même grandeur. Donc, si t'as des grands pieds, mais que t'es maigre, ou que t'es gros, mais que t'as des petits pieds, ça va aller mal. Ouais. Ça va être, dans ce cas-là, le pire cadeau à vie. Ouais, peut-être. Voilà. C'était la collègue Sex, mais ça devrait pas. On est là. Merci, wow. Mathieu. Ça fait donc bien plaisir, ça. On aime ça. Mais j'ai trop beau, les bas. Ils sont pas si pires que ça. Ouais. C'est des beaux bas de golf, maintenant. Ou Balmol, peut-être, je sais pas. Balmol, golf. Mais ben, en fait, tout le temps bon. Tout le temps bon, les beaux bas blancs, des petites lignes vertes, là. Comme bon, ça, moi. Voilà. Évidemment, c'était la dernière chronique de Ça existe pour la saison 2011, non, mais l'année prochaine, ça revient, ça, une fois de temps en temps. On fait ça d'habitude pas mal. Non, c'est intéressant, moi, j'aime ça. T'aimes ça, cette chronique-là? Parce que des fois, t'as l'air de dire, mais ça sert à rien, je sais. Non, c'est bien. Mais tu sais que je sais que ton saigneur, ça sert à rien. Tu te prends pas pour un épée, là. C'est le même. On se divertit. Parce qu'à un moment donné, avoir des idées cadeaux de tout le temps, les cadeaux qui servent à quelque chose, c'est comme, tu sais, à un moment donné, t'as ça partout. Hein. Ouais. On est l'alternative ici, là. Hein? L'alternative. L'alternative. Comme ton émission de radio dans le temps, là. On devrait ressortir ça, cette émission. Wow. Ça, puis mon émission de poésie. Oui, avec les bouillottes, là, c'était quoi déjà? Hey, je t'ai ému, c'était émouvant. François était comme, hey, wow, j'ai la main sur le cœur. Ah, c'était incroyable. Quand tu faisais la poésie. Je me sentais si mal après ça. Malaise, hein? Je me sentais pas bien. Mais t'as gardé l'extrait, c'est ça qui est le plus. Moi, j'aurais brûlé ça, tu sais, maintenant. Non, cassé le DVD. Je l'ai gravé sur un disque. Aïe, aïe, t'as vraiment apprécié ce moment-là, je suis sûr. Mais comment c'est qu'on n'a pas encore diffusé ce moment-là? Je sais pas ça. Non. Oui, non, mais oui. Non. Non, mais oui. Non. En 2014, peut-être. À l'anniversaire de cet événement-là. Ça fait 5 ans que ça s'est passé dans la voûte. Voilà, donc on va l'entendre une pièce des frères Goyette. Pourquoi pas écouter Mercury, aka Pierre Mercure. Ça, c'est fou! 89.fm. Il fait un froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bel vedette, tu dépends, oui, sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa prospère, mais qui patine pas, qui joue en sick. L'athlète semble venir d'ailleurs d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est des oui dire, il y a son passeport, il y a sa paperasse et il y a le CH tatoué sur le cœur. Ouais, il y a le CH tatoué sur le chest. Et certains disent Benjamin avec Crosby. Il met la marque d'enfant chaque fois qu'il se pointe la face à la glace. Oh ouais, c'est une machine qui aurait pu jouer pour la grande ligue. Mais c'est pas une fois qu'il joue en sneak. Non, il patine pas, il joue en sneak. Vous voyez, oh, et la gagnante qui fait être au grain lui sert un solide coup d'épaule, mesdames et messieurs. Vous voyez, t'es ébranlé. Sur la glace, il ramasse les dents. Pendant ce temps-là, Marchand se sauve avec la rondelle. Le long de la bande. Il file, il vole. Le bouquin est en feu, mesdames et messieurs. passer Mercure. Mercure devant le défenseur, le dévoue habilement. Renvoie Marchand. Marchand zigonne avec la rondelle. Là, renvoie Mercure, lancé sur réception. Et c'est le but. Et quand le ref drape la porte, on peut sentir toute l'onde de choc. Le slapshot résonne comme un grand coup de gonne. Et le tonnerre pète dans ses l'épade du Golden Goal. Les jambes vivantes qui blessent de l'âme. Zamboni le vilain de l'ouragan. Les frères Goyette. Et la pièce Mercury. Hein, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. Ben oui. Peut-être qu'on retrouvera ça dans ton émission cet après-midi. C'était faux en 2011? Ouais, c'est ça, exactement. On sait pas, hein? Nous, on a vu les affaires, mais c'est que des rumeurs. Ben moi, j'ai rien vu. T'as rien vu encore? Moi, j'ai rien vu. Ben voyons donc. Je te dis, je connais le numéro 1 parce que quelqu'un s'est échappé hier. Oh, oh. Mais c'est ça, j'aime pas ça qu'on me dise les punchs à l'avance. J'aurais aimé ça avoir les pièces une par une dans l'émission cet après-midi. Wow, ouais. Ça aurait été très compliqué à gérer, ça. Ouais, c'est ça. Oh là, ça me prend CD. J'ai aucun CD, merde. Hein. Qu'est-ce que je fais? C'est la fin de la première heure. On se retrouve avec Simon Fitzbé plus tard dans l'émission avec sa chronique Phénomène. Il nous fait le survol des pires albums de 2011. Et j'ai entendu dire là-dedans qu'on avait parlé d'un gars, là. D'un gars ou d'une fille? Ben, un gars, là, François, c'est pas gentil, là. On parle de gars avec des cheveux dans le toupette. Justin! Justin! Timberlake? Non? Oui. Justin Renaud. Justin Renaud. Et est-ce qu'elle est là, après-midi? Non. Non, voilà. Non. Notre chroniqueuse au palmarès, Justin Renaud. Non, on parle de Justin Bieber. Oh! Avec Simon Tonton, entre autres. Un des grands phénomènes du rock, Justin Bieber. Restez là! Ça transitionne drôlement entre le Call 911 Now et la petite chanson thème douce. On est trop doux, Mathieu. On est trop doux. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 22 décembre 2011. Oui, c'est François et Marchand. Oui, c'est Mathieu Plante. Dernière émission de l'année. Woo! Oui, dernière émission. T'as-tu beaucoup de choses prévues pour les vacances? Attends que je me rappelle. Oh. Je déménage. Je change d'adresse. Oui, encore. Comme l'année passée. Petite pollution. Je sais pas. En fait, il y a une théorie qui circule sur Internet. J'ai vu ça passer. Il y en a qui disent que c'est parce que tu payes pas tes impôts que tu essaies de te sauver. Ah ben mon tabarnouche. Jamais de la vie. Ils t'ont rattrapé. Non. Moi, tu sais que non, excuse-moi. Le CRTC, le gouvernement et tout ça, moi, c'est... C'est tes amis. Mes amis. Non, mais c'est ça. Non, je me suis trompé. C'est pas le gouvernement. C'est Maison Columbia. Ah! Ça serait une pas pire idée. Une bonne raison de déménager, là. Maison Columbia qui cherche des salles. Pendant le temps des fêtes. Mais ouais. Ça existe encore. Ben, on a cherché l'autre fois. Ouais. Tout ce que t'as trouvé, c'est fuckmaisoncolombia.com. Ouais. Fait que je pense que c'est pas vraiment celle-là. C'est vrai, me rappelais pas. Ouais. Non, je déménage encore une fois, mais là, dans le jumelé des parents de ma copine, tu sais. Donc, okay. Oui, je vais habiter à côté des parents de ma copine, que je salue en ce moment. Salut. Donc, c'est pour ça. Et là, je pense qu'on est parti pour les prochaines années. Donc, j'aurais pu la tradition du déménagement chaque année va arrêter. Quatre déménagements en trois déménagements en quatre ans. Ouais. C'est beaucoup. Dieu sait que déménager, c'est pas plaisant. Hey non, et peinturer, c'est pas plaisant. Et non, y a rien de plaisant là-dedans. Mais en plus, c'est que non seulement on déménage à chaque année, ce qui est déjà, tu sais, bien des gens font ça. Hein, mais en plus, on dans déménage. Dans la neige, l'hiver. Ça glace. À chaque année. Immanquable. Ouais, faut être fou. Faut vraiment être épais. Hein? Ouais. Mais une chance que j'ai tout le monde pour m'aider. Ouais. Écoute, ils doivent être tannés. Hein? Ouais, c'est ça. Là, c'est pour ça qu'on emménage là. Comme ça, ils vont pouvoir dire bon, gars, vous êtes là, restez là. Ouais. Ouais. Bon, tantôt, Simon Fitzbé avec Phénomène, et comme on le disait tantôt, on va entendre Justin Bieber. Là. Ouais. Justin Bieber? Ouais, j'étais allé voir son premier vidéo, je connais pas beaucoup. Mais t'as pas pu entendre, par contre. Non, j'ai pas de son, mais écoute, c'est vraiment grave. Je pense pas que ça soit très grave. Non, je pense pas. Écoute, non. Juste le voix, il m'énerve. Mais bon. Ah, t'es vraiment méchant avec. Ouais, je suis méchant. Il m'a rien fait. Non. Il m'a rien fait. Quand il te chante là, une chanson, il t'appelle Baby. Baby. Hey, ça serait-tu sa fête, tu penses? T'as perdu mon crayon, Mathieu. Bon, ben, Colin, hein. Je cherchais pendant qu'on écoute Violette P avec USB. Moi, je te lance un crayon d'en face. Attention, gars. Ouais, c'est ça. Je vais te boucher. C'est toi qui l'as. T'sais, oui. Yes, sir. Ah. Voyons donc. Sexuel de s'aimer dans cette touche de pixels, le plafond illuminé de lumière de Noël, c'est la même mélodie qui joue dans nos têtes. Dans ma tête, j'envoyais des messages dans les airs, reflétés par mes noms satellites, ils s'en sont retournés sur terre, mes courriels. Oh, sirop d'érable. Oui, je t'aime, mais je ne sais plus si tu m'aimes ou bien si tu veux partir. Alors tout est fini. Sache que je t'aime, mais ne me reviens plus. Mais ne me reviens plus. Veux-tu brancher ta langue USB sur mon ordinateur? Sont-tu compatibles? T'as-tu updaté ton cœur? Non. Non, bon. C'était Violet P avec USB. Ouais, c'était un peu poche, comme, mais bon, pas grave. Ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu. On jouait ah, ça vraiment? Peut-être un petit peu trop souvent, il y a quelques semaines, mais là, on s'est calmé. Ben on ouais, l'aime. Ben bon. Oui. Puis là, on revient en force, dernière de 2011. Hein. Puis on se dit que peut-être ça va se retrouver dans la rétrospective peut-être. Qui va avoir lieu après-midi. On garantit pas que tout ce qu'on ouais. a joué jusqu'à maintenant va l'être. De 2 à 6, hein, c'est bien ça. C'est de 2 à 6 cet après-midi, c'était fou en 2011, avec moi et Marie-Pierre Laforge-Bourret. Des palmarès, c'est fou, là, évidemment. Yeah. L'équipe des palmarès, là, habituelle, mais dans une émission special. Special edition. On écoute une autre pièce qui peut-être est dans le côté anglophone. Diamond Rings! Voici Something Else au 89.1 FM. C'est fou. Diamond Rings et Something Else au 89 FM, c'est Assemblage requis jusqu'à 9h. Ça faisait longtemps ça qu'on avait pas entendu ça. Ben oui, vas-y, Diamond Rings. C'est ça qui est le fun d'un palmarès de l'année au complet, se rappeler des choses. Parce que vous le savez, on en parle souvent, Crime c'était fort ça. C'est comme très fort ce fond-là. Depuis toujours, on en parle que quand quelque chose sort du palmarès, on a tendance à plus vraiment le faire jouer. T'sais. Alors que là, on se rappelle de plein de choses. C'est ça. On peut regarder cette idée-là. Ici, à C'est fou, on reçoit tellement de choses, de trucs différents. Donc, tu sais, c'est un peu ce qui fait la beauté. Mais j'avoue que c'est très le fun d'entendre la rétrospective comme ça. Tu te rappelles, tu dis ah, crime, c'était cette année. Puis des fois, tu as l'impression que c'est ça fait longtemps. C'est vieux, ben, mais non. Mais c'est pas si vieux. Et c'est encore très bon. C'est ça. Et moi, ce que j'aime d'Assemblage requis, la façon qu'on essaie de faire l'émission, tu sais, je pense que le monde s'en rend compte en l'écoutant, c'est qu'on essaie d'être le plus, genre, dans le présent possible. Tu sais. On va pas trop loin en arrière. On y va des fois, mais on essaie d'être au moins semi-récent. T'sais, contrairement à certaines autres émissions, donc c'est notre but de l'émission. Alors que là, ça nous donne la chance de retourner un petit peu plus en arrière qu'à l'habitude. Tout à fait. On écoute Dalmengen. Ça, c'est très récent. C'est sur le palmarès anglophone. Voici Post-War Blues. 89 FM, c'est fou. Hein? Phénomène s'en vient éventuellement, incessamment. Hein? Un jour. Start a war for the kid. A purpose for which to unite. Make them some words they can mend. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which will and which one's fate? There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Oh, this is in sight. Make me insightful again. But I can't see, I can't fight. Make me a fire to burn. Burn all the letters I wrote. Write me a list of if we are at peace, if we are at peace, I wanna know. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every morning I wait for the news. Par-dessus la fin de la pièce, ça fait radio commerciale, je me le fais dire. Ça le fait dire. Non, c'est pas vrai. Bonsoir Blues de Dalmengen, c'était very good. Very good. Il fait moins 10 à l'extérieur de nos studios. Centre-ville, 3 rivières. La voix que vous venez d'entendre là, celle-là, ça dit quelque chose. Oui, allô. La voix grippée. Patate. Patate. Oui, c'est celle de Simon Fitzbay. Voici Phénomène. Simon. Bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs. Hey, dernière de 2011. Oui, dernière de 2011. Simon a le rhume, c'est pour ça que je fais ça. Oui, oui. Un gros méchant rhume. Ouais, pas fin. Hein. Ben, il vient juste d'éclore en plus. Ah oui? Mmh. Ouais. Ce matin? Oui, parce que ben, hier, je sentais que ça en venait, mais. T'es casse-grippe, as-tu assez? Casse-grippe, j'ai pas. Ben, c'est quoi? C'est de l'homéopathie en plus, fait que c'est naturel et tout. J'ai pas eu le temps. En fait, j'ai fini de travailler hier, il était 9h, donc. Mais t'as encore le temps, peut-être, là, c'est dans les premiers symptômes. Là, t'sais. Ouais, je pourrais aller voir. Mais je finis de travailler à 9h encore à soir. En tout cas, on verra. C'est conseil santé. Et en passant, je compatis, moi aussi, tard à soir. Donc, Simon, aujourd'hui, tu nous parles des pires albums de 2011. Oui. Ça fait très spécial dans ta chronique Phénomène d'entendre des choses aussi. Récentes, mainstream. Contrairement à d'autres émissions, nous, on est plus récents. C'est ça. C'était pas un commentaire négatif. En passant, ça avait l'air super fendant maintenant que j'y pense. Mais non, c'est notre créneau. Mettons, on a choisi, nous, de rester dans le récent. Ben, c'est chacun une bonne son chose. Genre. Ben, c'est ça. C'est une très bonne chose. Donc, musique récente, oui. Musique bonne, non. Pas vraiment, non. Écoutez, ben, c'est qu'en 2011, ça a été une année fantastique pour la musique. Entre autres, on a pu entendre les nouveaux albums de Wilco, Fleet Foxes, PGRV, Bon Iver, Radiohead, M83 et bien d'autres. On a aussi découvert et redécouvert certains artistes les plus prometteurs pour l'avenir. Par contre, 2011 a également été une année désastreuse pour de nombreux artistes qui se sont littéralement cassés le nez en nous cassant les oreilles. Et oui, certains ont essayé des expériences plutôt moins... Non, peu concluante, voilà, qui est le mot. Et d'autres qui nous ont simplement manqué leur coup. Cette semaine, donc, pour la dernière de la saison d'automne, je vous offre mon top 5 personnel des pires albums de l'année. Et on fesse dans le tas, là. Ah oui, hein? Oh, t'as le violent, là. Oh, OK, oui. Je me sens violent. Et donc, débutons par les mentions déshonorables. Ces albums qui, par leurs aspects commerciaux et leur tentative avouée de simplement rapporter de l'argent à leurs créateurs, en gros guillemets, ne valent tout simplement pas le détour. Donc, on règle ça tout de suite. Certains artistes croyaient vraiment réaliser des coups de chapeau cette année, comme Chris Brown, le batteur de femmes, qui croyait vraiment que tout le monde avait oublié la face de Rihanna après qu'il se soit défoulé sur elle après avoir perdu un prix au Grammy en 2009. C'est tout simplement un échec. Rien à dire d'autre là-dessus. Nous avons également eu le droit à une collaboration entre le jeune Kanye West et le vieux Jay-Z qui ont lancé Watch the Throne, un album si prétentieux, rempli d'égocentrisme que la pochette devait être dorée pour attirer l'œil du public. C'est quand même surprenant que ces deux artistes aient pu entrer dans le même studio malgré la taille démesurée de leur grosse tête. Quand même. Et parlant justement du vieux Jay-Z, sa jeune protégée Rihanna a lancé encore un autre album cette année. Comme quoi, on peut pas cette année d'entendre les interprétations de la jeune femme de la Barbade. Comme si on peut pas cette année des Big Mac du Wagdo. Hein? Même chose pour la femme de Jay-Z, Beyoncé, qui a lancé également un album pour nous montrer que d'avoir un enfant n'empêche pas de réaliser des pochettes intéressantes. Mais on laisse faire le disque, bien sûr. Hein? Ouais, s'ils faisaient juste des albums photos, Beyoncé et Rihanna, moi je serais preneur. Ben, écoute, des vidéoclips sur Mute, là. Ça, ouais, c'est fascinant. Incroyable. Ouais. Donc, il y a aussi Limp Bizkit qui ont fait un comeback cette année avec un nom. Oui, oui, oui. Ah, ouais. Et avec un nom aussi original que Gold, Cobra, et des titres comme Douchebag, Get a Life, Loser et Autotunage. Ils se décrivent eux-mêmes. Oui, ben c'est ça. On peut se demander si c'est vraiment un album sérieux ou une autobiographie dérisoire des membres de la formation. Et avec des pitounes en bikini sur la pochette, on pouvait vraiment s'attendre à quelque chose de merveilleux. Hey, je ne savais même pas. Ben écoute, on s'ennuyait tellement de 1998. Hein. Ah, on parle de Much Dance Dance Plus tantôt, là. C'est la belle époque. Ouais, même en tout cas. Finalement, pour terminer, les mentions déshonorables ou honorables, eh bien, n'oublions pas Simple Plan qui a lancé l'album Get Your Heart On, qui m'a surpris par sa sortie, bien sûr, puisque je croyais que les 15 minutes de gloire du groupe avaient vraiment duré 15 minutes. On peut retrouver des pièces punk telles que You Suck at Love, Forever de Sickest Kid et Jet Lag avec ma préférée, Marie-Mé. Oh, Marie-Mé! Ah, notre préf à tous. Ah, je l'adore. Mm-hmm. Ces chansons sont si complexes qu'elles plairont sûrement aux petits et grands, mais surtout les petits, puisque le public cible de Simple Plan n'ont pas atteint encore la puberté. Ah! On va parler d'ailleurs de son public cible tantôt. Et il y a Britney Spears qui a lancé un album. C'est okay. Tout ce qu'on a à dire là-dessus. Cool! Et donc, on commence vraiment avec le coup de grâce, là, le top 5 vraiment des pires albums de l'année. On débute en numéro 5 avec Justin Bieber. Under the Mistletoe. Qui est donc, on débute le top par le plus mal aimé des petits garçons de 14 ans, Justin Bieber. Il a lancé l'album Under the Mistletoe le 1er novembre dernier dans le but, bien sûr, de profiter du temps des fêtes. On y retrouve des collaborations telles que Mariah Carey, Boyz II Men et Busta Rhymes. Vraiment Busta incroyable. Rhyme. Eh oui, Busta Rhymes qui est un... Moi, je peux pas comprendre quelqu'un comme ça qui décide de faire une collaboration avec quelqu'un comme Justin Bieber. Ka-ching, ka-ching. Ouais, mais... C'est une des trois personnes qui fait de l'argent dans la musique, là, présentement. Fait que... Ouais, peut-être. C'est peut-être une des raisons. Mais le plus frappant, justement, avec ça, et on peut faire un lien avec l'argent, c'est qu'on dirait que Justin passait dans le corridor quand ils ont pris la photo pour la pochette de l'album. Vraiment, vous irez voir là, la photo. On pourrait peut-être la mettre sur le site d'Assemblage Requis tout à l'heure. Là, il a l'air... En plus, je sais pas s'il fume du pot, Justin, mais il a l'air gelé sa photo. Hey. On dirait qu'il sort de la douche, il a les yeux rouges, et il a pas l'air tout à fait là. C'est un petit ange, là, Justin. Ah Justin. Oui, écoute, petit ange qui roule en Porsche, c'est incroyable. Il y a 17 ans, il roule en Porsche, wow, super. Ouais, mais on dirait que Justin passait dans le corridor, que quelqu'un de la compagnie du disque s'est précipité pour lui pour prendre la photo. Qu'on l'a immédiatement envoyé sous presse donc pour cette pochette. Et c'est encore un autre album inutile lorsqu'on connaît les classiques qu'ont produit Frank Sinatra, Bing Crosby, Phil Spector ou les Beach Boys. Bon, bien sûr, en tant qu'album de Noël. Et en plus, me faire dire par un jeune enfant de 16-17 ans qu'il m'attend sous le gui, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Non, on écoute un extrait. Oui. Don't you buy me nothing. Don't you buy me nothing. I am feeling one thing. Your lips on my lips. Tes lèvres sur mes lèvres. Achète-moi rien, moi je veux juste tes lèvres sur mes lèvres en dessous du gui. Ah. Il dit même au début, il dit j'aimerais ça aller jouer dans la neige, mais non, je t'attends en dessous du gui. C'est incroyable. C'est comme un genre de beat semi-reggae, semi-manqué. Là. C'est pour un album de Noël, c'est vraiment génial. Écoute, ça François, fit. Là. C'est quoi tes bruits, François, que tu fais? Ah, je sais pas. Ça me déchire par rondelles. André. Eh bien. Ouais. Miam. Ouais. On peut passer maintenant au numéro 4 de ce top 5. Eh bien, c'est un ex aequo. J'ai pas réussi à départir lequel des deux était le pire. Simon. C'est mes succès francophones de Sylvain Cossette. Mais toi, tu l'appelles Success. Mes succès. Ouais, ouais. Success. S-U-C-K. C'est un jeu de mots. Avec S. Oui. Mais écrit, fait qu'il faut le dire. Ouais, exactement. Et c'est ex-aequo avec Bubble Bat and Champagne de notre chère France d'amour. Écoutez. Ah, oh, wow. Et donc, Sylvain Cossette nous offre maintenant ses meilleurs succès après avoir fait des piles de cash avec le succès des autres ces dernières années. Sylvain a décidé de nous écœurer de nouveau avec ses vieilles chansons et fait donc encore preuve de son originalité sans borne. Wow. Ça, c'est ses chansons-là. C'est ses chansons à lui, mais c'est ses vieilles chansons. C'est ça. Que je t'aime. Mais lui, il refait, là. Il refait ou c'est juste un best En fait, je me suis posé la question, mais j'ai pas osé écouter l'album au complet. J'ai vu la liste des tunes. Mais... Il a pas enregistré rien. Ça m'étonnerait qu'il ait enregistré. S'il a enregistré, ben, je sais que c'est la mode maintenant. Il y a beaucoup d'artistes qui réenregistrent pour s'approprier les enregistrements de leurs albums. Parce qu'ils avaient enregistré avec d'autres gens. Ouais, mais je pense que lui, ils ont tout. Oui, je pense que Sylvain, il a tout racheté, ses albums, tous ses enregistrements, grâce aux piles de cash qu'il a fait avec Seventeen. Mais moi, c'est que moi, je veux du Dolby Surround Sound, moi, sur ces chansons-là, donc j'aimerais ça qu'il les refasse. Ah oui, écoute, du 5.1. Ah oui, 5.1. 7.2 maintenant qui existe, donc... Oui, oui. 7.2? Oui, oui, 7.2 avec deux subwoofers et le gros kit. En avant, en arrière? Ouais, de quoi de même, moi? Quel audiophile. Moi, tu vois, 5.1, je trouvais que c'était plus près de la cote que j'aurais donnée à son album si j'avais été généreux. Généreux. Très généreux. 7.1, c'est un peu haut, là. Bien sûr, on laisse faire la nouveauté avec cet album-là. On aime mieux récupérer les vieilles chansons et je me lasserai jamais, moi, d'entendre Si Dieu existe. Si Dieu existe. Et. Désolé, c'est tout ce que je connais du répertoire de Sylvain Cossette. Mais que je t'aime. Ah oui, c'est vrai, il a écrit ça. T'en connais plus que toi, que nous. T'en connais plus que moi. Ben, vous allez trouver ça bizarre, mais mon frère fait la tournée avec. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que je suis un peu mal à l'aise en ce moment. T'en parles à la radio en plus. Non, mais tu sais, écoute, mon frère, je l'aime. Non, mais il n'y a pas de saut bêtier. Non, non, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, exactement. En fait, puis tu sais, on sait bien que des jobs de musicien, il y en a pour... Oui, il donne des jobs, ça, il y a ça. Tu sais, moi, je critique l'effort artistique. Non, je sais, je comprends, je comprends. Je parle pas de du gars comme tel. Sylvain Cossette, je suis sûr que j'irais prendre une bière avec, je m'entendrais super bien avec. C'est un gars qui adore la musique. C'est juste que... Bon, mais ressortir, moi, des best-of, j'ai jamais vraiment aimé. Et donc, voilà. Si jamais il vient à Trois-Rivières, on va aller le voir. Parfait. On va aller voir ton frère. Parfait. Et donc, parlant justement de faire du cash avec l'argent des autres, soulignons plutôt avec, non pas l'argent, mais l'effort des autres, soulignons l'effort qu'a fait France d'Amour, qui a récupéré les grands succès de jazz pour nous faire croire qu'elle a des talents de chanteuse dans ce style. C'est encore une fois une preuve d'un manque d'originalité totale de la part d'une artiste. Malheureusement, la scientologue préférée des Québécois... Une des seules? Oui, une des seules. Hein. Elle ne semble pas avoir eu beaucoup de succès avec cet album This Is Listening, puisqu'on en a plus parlé après une semaine seulement après la sortie de l'album. Ça, c'est un style de musique que je trouve tellement ironique dans sa façon d'être nommé. C'est parce que moi, Easy Listening, tu vois, je trouve ça vraiment difficile à écouter. Vraiment. Ben écoute, c'est de quoi que tu laisses aller. Puis que justement, l'album s'appelle Bubble Bath and Champagne. C'est quand tu peux l'écouter avec une coupe de champagne dans ton bain à bulles. C'est que tu peux faire autre chose complètement et pas y penser. Ouais. C'est bruit de fond. Mais on pense pas à l'acheter, c'est ça l'affaire. Ouais. Bruit de fond, Mais j'avoue qu'on n'entend plus parler du tout. Non, c'est un peu dommage. Moi, écoute, je trouve ça triste pour les artistes québécois, mais en même temps, ils font rien de nouveau. Ça serait un album de pièces originales que la personne a passé 2 ans à enregistrer et à préparer, OK, mais là, on parle d'un album qui peut se faire en 2 semaines. Là. Ouais. Donc voilà. Et qui s'est sûrement fait en 2 semaines. Il y a une grosse possibilité, mais c'est sûr que ça coûte cher maintenant faire du studio, mais il faut se lancer à m'emmener, puis il faut vivre en artiste. Là. Si on est un artiste, c'est normal. Je sais pas si elle enregistrait son album dans son bain, c'est pas mal en 2 semaines. On passe à un de mes préf acteurs. Oui, moi aussi je l'aime bien. Pas préf chanteur. Vraiment. Ah, ben moi je l'aime bien par contre. J'ai aimé son précédent album là, il y a quelques années. Celui-là, j'ai pas entendu. De qui vous parlez là? C'est assez particulier. Ben, c'est au numéro 3, c'est William Shatner. Oh. Avec Sea King Major Tom, en fait. Il a récidivé, oh que oui, le Captain Kirk se remet ça une nouvelle fois avec un autre album de reprise qui tire son nom de la reprise de Space Oddity, justement, originalement de David Bowie. En plus de reprendre Bohemian Rhapsody et Iron Man, le Shat reprend également Silver Machine, originalement d'Hawkwind, également Space Trucking de Deep Purple et Walking on the Moon de The Police. Je crois qu'on comprend le concept de l'album ici. Là. Ouais. Il s'agit d'un album de 20 reprises les plus bizarroïdes du monde. William Shatner chante mal, il le sait, mais il le fait bien. C'est ça. Le type ne se prend pas au sérieux et littéralement, donc, pas au sérieux, littéralement. Ça s'applique, le mot s'applique, bon, tu as raison. Voilà. C'est pourquoi je ne considère pas insultant pour lui qu'il se retrouve dans cette liste. En fait, il serait probablement déçu de ne pas être simplement au numéro 1. Pour mais lui, c'est qu'il y a pire que lui. Colin. Eh oui. Ah, c'est vrai. Ah, on avait une pièce à mettre. Oui, une pièce, une très très bonne pièce d'ailleurs. Moi je trouve ça correct. Ouais. Mais c'est pas dans les meilleurs. D'accord. Space Oddity de William Shatner. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown. Engines on. Check ignition. And may God's love be with you. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom, ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I. Am I sitting in a tin can far above the world? Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating around my tin can? Above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. C'était William Shatner avec Space Oddity, tiré de son album Seeking Major Tom, inspiré justement de cette pièce qui est Space Oddity. Il y a trois pièces qui font rapport avec Major Tom, puisque ce personnage créé par David Bowie a été repris par plusieurs artistes également dans l'histoire de la musique. Mentionnons la pochette totalement affreuse réalisée avec un très mauvais programme de montage photo. Mais c'est génial comme montage. Oui, oui, ben tu sais, c'est William Shatner. Non, c'est ça. Et hey, le gars, je pense qu'il vient d'avoir 80, là, tu sais, fait qu'il se donne la peine quand même. Et, ouais. On peut voir donc William Shatner dans l'espace flottant à côté d'une fusée. Vous pouvez voir ça d'ailleurs sur le Facebook d'Assemblage Requis. Et j'imagine peut-être sur le blog, on va pouvoir mettre ça. Ce que je trouve, tu sais, c'est, on dirait, ça ressemble à une photo de carnaval, tu sais, où t'as des genres d'affaires qu'il faut que tu mettes ta tête dans un trou. Là, ça ressemble à peu près à ça. Mais quand tu parlais de mauvais montage, tantôt, je pensais que tu parlais de Justin Bieber, c'est encore pire. Justin Bieber, c'est pire que ça. C'est pire, c'est un fond blanc avec un ombrage, puis on dirait que c'est fait dans peintre. Ouais, ouais, ben ça, je dis, ils sont arrivés, ils ont pris une photo bien vite, puis on dit, ça va être correct, on va prendre ça. C'est... Et les petites filles vont l'acheter, veulent pas. Là. Oui, oui, puis ça va les attirer. Il n'y a pas besoin de couleur or pour remarquer Justin Bieber. Non, vraiment pas. Juste son nom, ça... Mais quand même, on peut retrouver plusieurs artistes sur l'album de William Shatner, dont Sheryl Crow, John Wetton, également Richie Blackmore, qui lui était dans Deep Purple, Alan Parsons, qui a été réalisateur de plusieurs albums, en plus d'avoir eu son groupe Alan Parsons Project, Peter Frampton, Steve Howe de Yes, également Michael Schenker, Dave Davies des Kinks, Johnny Winter, qui lui avec son propre groupe, Brad Paisley, Bootsy Collins, ainsi que Carmen Appice, le grand batteur, et Ian Paice, qui lui aussi est un très, très grand batteur. Et donc, c'est William Shatner qui... qui se fait plaisir dans le fond et qui fait plaisir à ses fans parce que ce gars-là, en fait, ses albums, c'est des albums cultes. Là. Les gens achètent ça parce que c'est William Shatner qui parle. C'est pas du spoken word. Parce... Il parle, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Parce que Serge Gainsbourg ou également Gil Scott-Heron ont fait du spoken word, mais avec des beats en arrière, avec une musique assez rythmée. Et ça, c'est juste du rock, pas de parole. Et William Shatner qui fait un genre de karaoké bizarre c'est dessus. C'est parce qu'il y a sa version. Écoutez, allez écouter aussi sur YouTube, il y a Bohemian Rhapsody. Je voulais faire jouer cette pièce-là, mais je voulais que ça fitte avec le titre de l'album. Donc, ça a été Speciality. Je veux entendre ça, c'est ça. Bohemian Rhapsody, c'est particulier. C'est très, très particulier parce qu'il chante un peu dedans. Et c'est c'est incroyable. Et donc, nous en sommes, bien sûr, on fait le top 5 des pires albums de l'année dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Rocky, dernière de la saison. Je suis très privilégié d'être avec vous aujourd'hui, messieurs. Ben oui, d'être là avec toi, ta présence, là, c'est magnifique. Écoute, j'ai radis le studio. Je radis le studio. Et on en était rendu donc au numéro 2, puisque William Shatner était numéro 3. Et au numéro 2, bien, c'est Here and Now de Nickelback. Ouais. Nickelback. Je pense que... On fait le tour. C'est un album simplement lancé pour faire de l'argent, n'est-ce pas? Nickelback est un des groupes les plus rentables dans le groupe musique, canadien. Groupe canadien, mais qui font... Fier d'être canadien. Oui, fier d'être canadien, mais qui font... je pense, d'ailleurs, il y a une chanson genre sur le football là, dans leur, album, sur les tailgate parties, tout ça. Là, c'est pour faire de l'argent. C'est comme le country. D'ailleurs, il n'y a aucun album de country dans ce top 5-là, tout simplement parce que je ne m'adonne pas du tout à écouter ce style de musique-là. Mais des fois, je syntonise CMT, le Country Music Challenge. Tu joues encore du country entre 2 et 3 heures du matin, je pense. Entre les émissions plates. Les sitcoms américains. Oui, c'est ça, exactement. Et des fois, les vidéoclips sont assez particuliers. Ouais. Hein, c'est rendu des infopubs, pratiquement. Et on termine avec le numéro 1. Écoutez, je pense que c'est unanime. Plusieurs sites spécialisés dans la musique ont fait des top 20, des top 25 de pires albums de l'année. Celui-ci termine le numéro 1 pratiquement partout. Il s'agit de Lulu, l'album de Lou Reed et Metallica. Écoutez, cet album est vraiment spécial. Honnêtement, j'ai essayé, mais j'ai pas eu le courage. Après 2 pièces de cette horreur, j'ai arrêté le disque et je l'ai lancé par la fenêtre. Cet album-là est l'enfant difforme et attardé de Lou Reed, une légende du rock qui nous a éblouis avec des albums comme Transformer, Berlin, Lou Reed et Metal Machine Music dans les années 1970 et avec les Velvet Underground dans les années 60. Et bien sûr, de Metallica, un groupe de milliardaires qui nous vendent des merdes en boîte depuis 1990. Et je ne mange pas mes mots. Lou Reed est un type sombre et glauque et sordide également qui exploite des thèmes qui lui ressemblent. Donc, sombre, glauque et sordide. Le thème de cet album-là, qui est l'histoire d'une prostituée européenne au 19e siècle nommée Lulu, ça aurait pu faire quelque chose de pas mal avec seulement Lou Reed, mais Lars Ulrich et sa bande ont tout simplement tout saboté. Avec des sons de guitare aseptisés et une batterie cinglante de Metallica, eh bien, l'album perd toute sa valeur et tout son sens. Le chanteur du groupe, James Hetfield, chante dans le background comme s'il essayait de se faire une place sur l'album avec sa petite voix gossante. Moi, je suis pas capable. Il y a beaucoup de gens qui aiment sa voix, lui, même s'il aime pas Metallica. Moi, ça me... Est-ce qu'on va l'entendre dans l'extrait? On l'entend dans l'extrait. L'essai donc de Metallica de faire du métal progressif et d'avant-garde est un échec total puisque les critiques s'entendent tous pour dire qu'il s'agit du pire album de l'année, comme j'ai dit tout à l'heure. Lou Reed avoue avoir eu des menaces de mort de la part de fans de Metallica, mais lui, il s'en fout, en fait. Il avait rien à perdre, puisqu'il affirme ne plus avoir de fans depuis au moins les années 70, d'ailleurs, avec l'album Metal Machine Music, qui était composé seulement de feedback. On en avait entendu un extrait, d'ailleurs, dans le cadre de l'émission de la chronique sur les feedbacks. Et en passant, si vous avez raté la chronique sur le feedback, elle fera partie de l'émission spéciale Phénomène du Guide de l'utilisateur d'Assemblage Rocky le lundi 26 décembre à 7h. Oh! Je capote. Eh oui. Je capote. Et donc, donc, de l'autre côté, bien sûr, on peut s'attendre aussi à ce que Metallica perde certainement plusieurs fans avec cet album, ce qui est quand même malheureux pour eux, puisque c'est leur seule raison de vivre maintenant, c'est les fans qui continuent d'acheter les albums, même si c'est vraiment pas bon. Et donc, cet album méritera assurément une redécouverte dans plusieurs décennies, mais pour le moment, il reste aussi mauvais que la première journée qu'il est apparu dans nos magasins. I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely? Avec le chanteur et Metallica en arrière qui fait juste tout le temps répéter la même affaire comme s'il voulait qu'on se rappelle de lui. Mais ça existe. Oui, c'est la pièce Brandenburg Gate, les portes de Brandebourgeois. Brandebourgeois. Brandebourgeois. Je connais pas. Enfin, donc c'est Lou Reed et Metallica tiré de l'album Lulu. C'est la toute première pièce et c'est la pièce la plus courte de l'album. Puisqu'on se retrouve avec des pièces de 8 minutes, de 11 minutes. Même tout je pense trop la long. Dernière est 15 minutes, ouais. Mm. C'est très long, c'est très particulier, ça ressemble pas du tout à Metallica. Et Lou Reed n'a pas fait d'album depuis les années 80. Et on voit pourquoi, parce qu'il n'y a plus de voix pour chanter. C'est pas. Moi, je trouve qu'il écrit de la bonne musique, Lou Reed. J'aime ce qu'il fait, mais ça ne fit pas avec Metallica, qui est un groupe beaucoup trop carré. Il faut tout que soit calculé. Et Lou Reed, lui, c'est un gars qui va gratter de la guitare n'importe comment. Improviser un peu plus. Improviser. Mais c'était l'idée de qui à la base? Est-ce que c'est Metallica qui a demandé à Lou Reed ou le contraire? Les deux ont fait une collaboration en 2009 pour le Rock and Roll Hall of Fame. C'était les 25 ans et ils invitaient plusieurs artistes à jouer ensemble. Et Metallica ont joué avec Ozzy Osbourne, ce qui fitait quand même bien. Ouais. et Lou Reed. Ils ont chanté une chanson de Lou Reed ensemble et ils se sont dit pourquoi ne pas faire un album. Et Lou Reed, comme je disais, lui s'en fout un peu. Il a plus de fans, il est plus vraiment intéressé à faire grand chose. C'est un gars qui a une vie pas facile, mais en tout cas on pourrait y revenir éventuellement. Il a dit ah pourquoi pas. Puis Metallica s'est tiré dans le pied beaucoup plus que Lou Reed avec ça. Là. Tu vois c'est ça la face. Ouais, c'est ça. Le gars Lou Reed dit j'ai plus de fans. T'sais, l'idée aurait été bonne si ça avait été que les deux avaient des nombreux fans. Ouais, et là, ouais, donc qui voulaient les satisfaire. Et tu fais un gros deux fois fois deux sur ton public. Là, c'est mais bien, ça. Ça reste, c'est bizarre parce que ça reste un œuvre d'art. Même si on l'aime pas, ouais. Ça reste un œuvre d'art. Peut-être dans plusieurs années, on trouvera que c'est un bon album. D'ailleurs, moi, j'ai réécouté un peu dans le cadre de cette chronique-là. Et j'ai dit ouais, c'est moins pire que je pensais. C'est pas bon, mais non, c'est ça. C'est correct. Nous, on connaît pas ça. Je sais pas toi, Francis, ce que t'en penses. Non, j'étais un peu ton avis. Là. C'était comme ça passe. Ça passe en musique de fond pratiquement. Alors que là, top 25, des pires albums de l'année pour tout le monde, on dirait que tu disais tantôt. Ça finit deuxième ou première position. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme un peu Le Sacre du printemps de Stravinsky, qui est une grande, grande pièce de classique. Écoutez, quand ça a été présenté la première fois, ça a créé des émeutes. Là. Mm-hmm. C'est sur les Champs-Élysées, on a détruit complètement la salle de concert dans laquelle on l'avait présenté. Donc peut-être que maintenant, ça fait 100 ans que Le Sac du printemps a été présenté et maintenant c'est considéré comme un grand classique. Peut-être que dans 100 ans, justement, cet album-là sera louangé par les fans de musique obscure, on ne sait pas. Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, c'est ça, ça va peut-être passer à l'oubli aussi. Donc on verra. Claude Rajat, d'ailleurs, a adoré cet album-là. Ah! Ouais. Ah ouais! Comme quoi que son passage à Radio-Canada l'a un peu coupé de la réalité quand c'est de la musique plus pop. Là. Ouais. Mais bon. Tu l'aimes plus. Ben, écoute, j'écoute encore parce que je trouve qu'il fait découvrir des belles choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il déteste, qu'il aime, que moi je déteste et vice-versa. Donc, c'est comme ça. Et voilà. Au moins, il est à Musique Plus, mais il n'est pas pris pour jouer du Justin Bieber. Ouais, exactement. Ouais. Mais il a aussi aimé le nouvel album de Rihanna. Donc, c'est spécial. Mais il disait, moi je ne connais pas ça, Rihanna, je n'ai pas écouté ses autres albums. Tu sais, il y en a juste 6, là, mais bon. C'est Claude Rajat. Il faut aussi moi qui. Merci Simon. Mais merci messieurs. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accueilli toute cette saison-ci. J'ai hâte de vous revoir cet hiver. Ben oui, exactement. Ouais. Il est pour nous. Puis on espère te revoir en 2012 là. Ben certainement. Oui. On n'oublie pas l'émission spéciale de Simon Phénomène. C'est dans le cadre des guides de l'utilisateur d'assemblage requis. Ça se passe lundi le 26 et lundi le 2. Oui. À 7h dans la case horaire d'assemblage requis spécial de 3h avec tes chroniques sur les MP3, les hipsters, qu'est-ce qu'il y a eu, le feedback, des trucs comme ça. Et la stéréo? Pas la stéréo, par contre. C'est en deux parties, ça rentrait pas. Voilà. Mais par contre, les deux parties, j'ai mis Freddie Mercury. Ah, je suis vraiment content. Oh. Ouais. J'ai hâte d'écouter ça, je vais le faire écouter à ma maman. À ta maman? Oui, à ma maman. D'accord. Et d'ailleurs, je vais me faire autoplug en même temps aussi, puisque le 23 demain, en fait, dans notre diffusion originale, bien, il va y avoir une présentation d'album classique. Je vais être ici, je vais être le dernier à partir de ce studio. Pour vrai? Il n'est pas là demain. Non, effectivement, reprise. C'est une reprise. Je vais présenter, en fait, l'album des Beach Boys, l'album de Noël, Beach Boys Christmas, qui est un peu une réponse à ce qu'on avait présenté la semaine dernière avec Phil Spector et l'album Gift for You. Les Beach Boys, est-ce qu'ils vont faire une tournée, là? Oui! J'ai appris. Oui, je capote. Ils vont faire une tournée, oui. Ça a été annoncé d'ailleurs vendredi passé pendant l'album classique. La nouvelle est sortie. Ils sont en train d'enregistrer un nouvel album aussi. C'est du monde qui ne se sont pas parlé depuis pratiquement 20 ans. Et là, ils ont décidé de revenir ensemble pour faire un album. Ça va peut-être être intéressant. On risque de les voir à Montréal. J'espère. Ouais. S'ils viennent à Montréal, c'est sûr et certain que je vais être là. Première rangée, je vais aller les voir. Écoute, c'est un rêve. Grand groupe. Un rêve. C'est un rêve qui devient réalité. Et aussi, question on plug, aussi le 24 décembre, on m'a dit que Catalepsy serait rediffusé samedi de 10 à midi. Catalepsy spécial Noël. Ouais. Tout à fait. Celle sur laquelle tu as eu le plus de commentaires jusqu'à maintenant. Ouais, donc, félicitations. C'est le fun. Tu vas faire l'émission de Noël toutes les semaines de l'année maintenant? Je pense que oui. Non, mais ça y est, depuis les 2-3 dernières semaines, on dirait que les gens ont découvert qu'il y avait de la radio le lundi soir. Donc maintenant que l'impro est finie. Là, mais ça... c'est ça quand tu changes de case horaire à toutes les sessions. Le lundi risque de rester ma maison. Mais en fait, ça a été pendant 2 ans les lundis soirs. Mais après ça, t'avais pris le jeudi. Ouais, j'avais des cours les lundis soirs, malheureusement. Ah, l'école. C'est la vie d'étudiant. Et voilà. Et voilà. Donc, Simon Fitzbé, tu l'as dit, samedi de 10h à midi. Puis, allez voir sur cifou.ca pour la programmation des fêtes. Ça va être là, ça, plus tard aujourd'hui. Hein? Yeah. Pas mal ça. Sinon, nous, on va terminer l'émission ici. Ici, là? Oui, là, parce que c'est ça. C'est la fin de la session 2011. Oui. D'automne 2011. Et puis, c'est ça, ça va être de belles petites vacances pour tout le monde, tous les chroniqueurs. On les remercie, évidemment, tous les chroniqueurs de l'année. Tous et chacun. Simon Fitzbé, ouais, François Landry, ouais, Stéphanie Gagné, ouais. Jasmine Raymond-Léville. Tu vas pas par jour, c'est comme tout mêlant. Je vois Kiwan. FaceTime. Ouais, tu veux y aller du lundi. Oui. Xavier Antoine. OK, Xavier, Nicolas Ducharme. Stéphanie Gagné, tu l'as dit. Marie-Pierre Laforge-Bourret. Tout à fait, Sébastien Dulude. Jasmine Raymond-Drainville. Oui. Myriam Fugère. Oui. Yann Martel. Yann Martel, est où? Je m'allais le bout. Du service aux étudiants à l'UQTR. Simon Fitzbé. Et François Landry. Ouais. François Landry. Voilà. Justine Renaud, au palmarès, c'est fou, mais on la compte dans l'équipe. Palmarès. Tu la remercieras dans la rétrospective. Veux-tu bien? Moi, je la considère comme dans l'équipe. Bon, Justine Bieber, Renaud. Si je voulais pouvoir la mettre des meilleurs moments dans l'assemblage requis, il fallait bien que je considère qu'elle est une chroniqueuse d'assemblage requis. Hein? parlant de ça. Étant donné qu'on a le temps, donc on disait la semaine prochaine, la semaine du 26 décembre et du 2 janvier, il va y avoir des émissions spéciales Assemblage requis dans notre case horaire. Ça va être des émissions spéciales de 3 heures. Yeah. Donc on va avoir entre 7h et 10h plusieurs émissions thématiques. On va commencer lundi, comme on l'a dit, avec... non, c'est pas celle-là que je voulais mettre. J'étais là puis je voulais mettre mon beau petit fond sans fin. Ah, c'est beau. Lundi, c'est Phénomène avec Simon Fitzbé. Oui. Ensuite, mardi, ça va être le spécial Girl Power avec les chroniques de toutes nos filles, les Marie-Pierre, Stéphanie, Justine, Jasmine, etc. Myriam. Mercredi, c'est l'émission spéciale C'est un fait. Donc, que des chroniques, c'est un fait, et de la musique. Hein. Ah, ça va être intéressant. Là. Je pense que ça devrait... Je vais l'écouter, certainement. Merveilleux. Et puis, jeudi, c'est un ragoût de chroniques. Oui, on va faire plaisir avec des chroniques de Sébastien Dulude. Va voir ailleurs, j'y suis. C'est chroniques surtout humoristiques à la stand-up. Et aussi, des chroniques, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Formidable. Un genre de guide cadeau en retard, c'est fun. Incroyable. Cadeau que vous n'allez pas acheter, mais bon. Ben, moi, en tout cas, je vais en acheter jusqu'au 29 facilement parce que j'ai un autre échange de cadeaux le 31. Ah, ouais! Il y a un emballage bobette et bas blanc et vert là, que ouais. François trippait dessus tantôt. Ouais, là. C'est beau. Worst gift ever, c'était marqué. C'est sur l'emballage, c'est marqué worst gift. Le pire cadeau. Pire cadeau à vie. À vie. Pas fou. Donc, les plugs sont faites lundi ou jeudi. Et puis, soyez à l'écoute cet après-midi, jeudi le 22 décembre, entre 14h et 18h, une édition spéciale de 4h. L'émission C'était fou en 2011. On va vous présenter le top 25 francophone et top 25 anglophone, des pièces les plus jouées à C'est fou en 2011. C'est avec moi-même et Marie-Pierre Laforge-Bourret des Palmarès C'est fou. Yeah. On se quitte avec la formation Funambule et la pièce Tel un naufrage. Funambule qui est le groupe qui fait dans le carquois un peu. Oh! C'est de la musique carquoisesque. On trouve qu'on se copie. Peut-être un peu. Ils sont semblables. Si t'aimes carquois, tu vas aimer ça. Donc, ouais. Tu sais. Ouais, non, c'est moi, bien je vois ça comme ça. Oh, oui. Sinon, mais passez de joyeuses fêtes, François. Merci. Toi aussi, Mathieu. Bon déménagement. Merci. Bonne chance. Très appelle gentil. Appelle-moi surtout pas, s'il te plaît. C'est ça, c'est noté. On se retrouve en direct le 9 janvier. Bon hiver. Joyeux solstice d'hiver qui était hier en passant. De joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, les amis, ouais. Joyeux Noël, si c'est ce que vous c'est de vous. sur le bateau de ma naïveté. Qu'elle m'avale cette mort.